Un grand merci pour cette invitation. Pour moi, c'est une chance redoutable de parler à un public, je pense, majoritairement composé de philosophes. Donc, je vais en fait avoir l'audace de venir un peu sur votre terrain. Donc, il faudra avoir de l'indulgence en retour. Je pense que ça se passera très bien. Je voudrais aussi d'ailleurs m'excuser de ce titre qui a un tel niveau de généralité qu'il pourrait être au mieux passé pour ridicule et au pire pour très prétentieux. Mais je vais en fait apporter une petite contribution modeste à cette question en vous donnant quelques nouvelles du front de la biologie, de la manière dont la biologie contemporaine considère la notion d'individu. Et puis en faisant un petit retour historique vers un texte sur lequel j'ai été amené à travailler, d'un embryologiste allemand de la fin du 19e siècle qui s'appelle Wilhelm Roux, et qui avait pensé ces questions-là d'une manière assez originale. Vous allez voir qu'il y aura des sacrées résonances avec ce qui vous a été exposé dans les deux précédentes interventions. Et je terminerai peut-être très timidement en essayant de vous dire que l'importance que ce texte de Wilhelm Roux a eu sur Nietzsche et sur certaines de ses conceptions physiologiques. Voilà. La question de l'individu en biologie, c'est une question qui est assez compliquée. En fait, comme l'a expliqué Jean-Jacques, on a l'habitude de raisonner en biologie en termes de niveau de... Excuse-moi, toi, juste avant, je suis le chairman, mais j'ai pas de montre. Ah. On va parler d'autorégulation au moment de l'exposé. C'est un truc que j'ai jamais compris. Donc je disais que voilà, on raisonne souvent en termes de niveau hiérarchique. On pourrait discuter longtemps d'ailleurs sur la pertinence de parler d'hiérarchie dans ces niveaux, mais enfin c'est une acception assez commune. Donc qui part grosso modo de la cellule jusqu'à l'écosystème, la biosphère, donc cellules, tissus, organes, organismes, donc les individus, et puis les populations, les espèces et les écosystèmes. Alors là-dedans, il y a des niveaux qui ont un degré d'objectivité qui est plus ou moins important, plus ou moins grand, même si en biologie, c'est une notion qui est assez tendue. Je pense que le niveau de la cellule est un niveau de première importance. Tout ce qui est vivant est constitué de cellules. Tout ce qui est constitué de cellules est ou a été vivant. Donc c'est quand même une équivalence qu'on a du mal à retrouver à d'autres niveaux. C'est pas rien de le noter. Et puis n'oublions pas que sur Terre, 99,99999% des individus sont des cellules, sont des organismes unicellulaires. Les bactéries, les multicellulaires sont une sorte d'artefact visuellement impressionnant, mais quantitativement assez peu passionnant, en fait. Faut bien le dire. Après, il y a la notion d'espèce qui a une... Alors bon, Jean-Jacques lui a fait un sort au début de l'après-midi, et peut-être vous en avez un peu parlé ce matin en parlant de nominalisme. Elle a quand même une fonction, elle est assez heuristique, notamment pour comprendre la biodiversité ou gérer la biodiversité. C'est une notion qui remplit quand même un certain nombre de fonctions, même si elle est évidemment beaucoup moins solide. Et puis au milieu, il y a cette notion d'individu qui est très souvent posée comme une sorte d'évidence. Je pense qu'il part de la conscience qu'on a d'être soi-même un individu, d'être porté par une forme de constance, de permanence, d'avoir une mémoire. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, à tous les niveaux, sur le plan moléculaire, chimique ou biologique, on est en transformation permanente. Il n'y a rien qui n'est constant, il n'y a rien qui soit constant chez nous. Et là où je veux en venir, c'est d'essayer de comprendre comment la discipline un peu centrale, le vaisseau amiral de la biologie de la deuxième partie du 20e siècle, c'est-à-dire la génétique et la biologie moléculaire, ont permis de donner ou non une réponse, de fonder en biologie cette intuition d'individualité qu'on peut tout savoir, au point que si on ne l'a pas, si on s'imagine double ou multiple, on diagnostique des troubles de la personnalité. Donc c'est quelle réponse la biologie peut donner à ça, et la génétique en particulier. La génétique a, dans un premier temps, semblé conforter largement cette intuition, puisque dans le cadre de la compréhension de ce que sont les génomes, on a été capable de donner une individualité puisque chaque individu possède un génome qui lui est propre, c'est-à-dire une combinaison de gènes qui lui est propre, qui lui est particulière. Et en plus de ça, ça permettait aussi de fonder en biologie la notion d'espèce, puisque la structure d'un génome, elle est commune à tous les membres d'une même espèce, ce qui permet leur reproduction, la fécondité et leur reproduction. Donc, d'une certaine manière, la génomique est une des branches de la génétique, qui est cette branche qui est permise par le séquençage global des génomes, où leur connaissance globale a permis, en première approximation, de fonder en biologie cette intuition d'individualité, puisque au niveau de l'espèce et au niveau de l'individu, on comprend bien génétiquement ce que c'est qu'un individu. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait là aussi s'arrêter là, mais je ne vais pas le faire, parce qu'en fait, la question, elle se complique un petit peu. Elle se complique un petit peu parce que, alors d'abord, il y a tout ce que vous a présenté Jean-Jacques, la diversité des comportements cellulaires, sur lequel je ne vais pas revenir parce que voilà, le temps est limité, mais c'est évidemment quelque chose de très important. On y reviendra avec Willem Roux quand même. Mais il y a aussi un grand nombre de formes de diversité qui questionnent la notion d'individualité, y compris à l'intérieur de notre organisme. La première chose qui va vous... On va le dire simplement... L'écrasante majorité des cellules de votre corps n'est pas porteuse du génome qui vous définit. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez dans votre corps toute une série d'organismes unicellulaires, des bactéries, de votre flore intestinale, dans votre flore bactérienne sur la surface de votre peau. Vous avez plusieurs centaines d'espèces, plusieurs milliers d'espèces et plusieurs centaines de milliards de bactéries qui sont présentes dans votre corps et qui vous aident à vivre. Évidemment, vous allez dire, c'est jouer avec les mots, ce sont des organismes qui ne sont pas vous-même, qui sont... Mais si vous y réfléchissez quand même, ça veut dire qu'un organisme multicellulaire, il est impossible de penser son individualité sans penser sa structure écosystémique, en fait. Et donc, il n'y a pas d'organisme multicellulaire qui ne soit pas un écosystème. Ça, finalement, c'est quelque chose qui est assez important sur le plan fondamental. Même si, évidemment, ces cellules ne remplissent pas des fonctions aussi nobles que de plier un muscle ou de faire réfléchir, ce ne sont pas des synapses. Mais enfin, néanmoins, si elles n'étaient pas là, vous ne seriez pas là. Parce que c'est celles qui vous aident à digérer, c'est celles qui vous aident à vous protéger selon certains critères. Donc finalement, on peut considérer que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et je rappelle qu'elles sont en nombre beaucoup plus important que le nombre de cellules de votre corps, que le nombre de cellules somatiques de votre corps. Il y a beaucoup plus de bactéries dans votre flore intestinale que vous n'avez de cellules de votre corps. Donc c'est quantitativement quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est pas des petites exceptions quelque part dans votre individu. La deuxième chose, alors j'ai pas, je suis passé un peu vite. Bon, voilà des petites bactéries à la surface de la peau. La deuxième chose, je voudrais mentionner l'existence de, ça c'est des données récentes de la biologie, enfin récentes, elles ont une vingtaine d'années. C'est l'existence du chimérisme à l'intérieur des organismes. Bon là, il est présenté sous certaines formes pathologiques, mais il faut admettre l'idée que, vous connaissez cette idée comme quoi vous venez tous d'une cellule œuf qui s'est développée par l'embryogenèse et qui vous a donné en tant qu'individu. Néanmoins, on sait que pendant le développement embryonnaire, par exemple, il y a une circulation de cellules entre la mère et l'enfant via le cordon ombilical, et que ces cellules peuvent demeurer un certain temps et se développer dans la structure qui se développe, de sorte qu'on a une fraction non négligeable, bon évidemment c'est quantitativement très faible, mais enfin c'est significatif, de cellules qui sont d'origine maternelle et qui sont tolérées et qui continuent à vivre assez longtemps dans votre organisme. Donc vous êtes un individu génomiquement constitué d'origines différentes, même si évidemment ça ne se transmet pas, ça ne semble pas se transmettre à la génération suivante, ça ne semble pas coloniser les cellules reproductrices. Les structures reproductrices. Donc le chimérisme, c'est aussi une donnée qui vous permet de relativiser la définition génomique de ce que c'est qu'un individu. La dernière chose qui est peut-être qui me vient à l'esprit et qui est peut-être un petit peu plus anecdotique, mais c'est l'existence de la possibilité de vous greffer des structures vivantes, des organes par exemple, ou des tissus comme la peau. Vous allez dire, là encore, c'est un jeu de l'esprit. On sait bien que ce qui nous constitue... il y a un élément d'allogénéité là-dedans. Et néanmoins pour expliquer ça, et pour expliquer la permanence de la persistance d'une greffe, par exemple, on va vous parler de modification de la reconnaissance du soi et du non-soi, ce qui prouve que c'est quelque chose qui est finalement assez dynamique et beaucoup moins figé dans le génome, beaucoup moins réductible au génome que ce qu'on pouvait le penser en première instance. Et puis si on regarde même le génome des individus, si on oublie ces histoires de cellules qui viennent pas de la cellule œuf, si on oublie ces histoires-là, quelque chose qui est très intéressant, qui est récent, c'est ce qu'on appelle la variation du nombre de copies. La variation du nombre de copies, c'est quoi? C'est qu'on s'est aperçu, grâce aux techniques de séquençage massif dont on dispose depuis quelques années, qu'au sein d'un individu, y compris au sein d'un individu, quand on prenait des cellules à différents endroits de son corps, c'était pas évident que ce génome il ait forcément toujours la même tête. Et qu'il pouvait y avoir des variations de la taille du génome, qui étaient généralement des variations du nombre de copies d'un certain nombre de gènes, qui pouvaient varier, et là encore, c'est pas négligeable, puisque vous pouvez avoir, d'une cellule à l'autre, des variations de l'ordre de 10% de la taille du génome, ce qui est absolument énorme quand on y pense. Et donc il y a une hétérogénéité cellulaire, y compris sur le strict plan de la génétique, alors que ça a été un dogme très long de dire que toutes les cellules d'un organisme donné, en tout cas ces cellules somatiques, possédaient un génome identique. Ça c'est quelque chose qui est assez récent, qui est bien caractérisé chez l'humain. Donc il y a des variations d'un individu à l'autre, et à l'intérieur d'un individu, il y a des variations d'une cellule à l'autre. Donc on est au milieu d'une belle hétérogénéité, qui se surajoute à l'hétérogénéité de comportement de comportement moléculaire que pouvait évoquer Jean-Jacques tout à l'heure. Et cette hétérogénéité, elle renvoie, en tout cas moi, elle m'a permis de croiser la route d'un texte assez ancien, donc de 1881, de Wilhelm Roux, qui s'en est servi pour établir une théorie de l'apparition des formes en biologie. Alors Wilhelm Roux, il est né en 1850, donc c'est un embryologiste allemand, hein, comme son nom de famille peut-être ne le signale pas immédiatement. Il a étudié à Iéna, à Strasbourg et à Berlin. Il a été l'élève de Virchow. Virchow, c'est un des fondateurs de la théorie cellulaire, donc c'est une des grandes théories biologiques du 19e siècle, avec celle du milieu intérieur et puis la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin. Il est devenu médecin, il a fait une thèse de médecine sur la vascularisation, sur les vaisseaux sanguins. Et puis en 1870, il s'est mis à enseigner à Breslau, et en 1881, il commet ce livre, qui s'appelle « La lutte des parties dans l'organisme, une contribution à la théorie mécanique de l'adaptation ». C'est un livre qui lui vaudra un succès mitigé au moment de sa sortie, puisqu'un certain nombre de ses professeurs lui disent, de ses supérieurs lui disent que s'il veut devenir un jour un professeur d'anatomie digne de ce nom, il faut qu'il arrête de publier des livres de philosophie. Donc ça, c'est une contribution à l'interdisciplinarité, je le mentionne au passage. Et alors, quel est le projet de ce livre? Il se décrit plutôt en suivant le plan. En fait, Wilhelm Roux se confronte à une question qui n'est absolument pas le seul à se poser, qui est, et vous allez voir que là, pour le coup, on va aller très très près de ce que les deux orateurs précédents vous ont raconté, qui est l'intuition, enfin en tout cas, Wilhelm Roux pense que la théorie de la sélection naturelle est impropre à expliquer la dynamique d'apparition des formes. Il voit la théorie de la sélection naturelle comme une théorie qui permet d'expliquer le tri entre les formes une fois qu'elles existent, mais il la considère comme absolument impropre à expliquer l'apparition des formes. Et donc il va chercher une explication mécanistique à cette apparition de formes. Et il va, notamment dans le premier chapitre, la première grande partie qui s'appelle l'adaptation fonctionnelle, traiter cette question. L'adaptation fonctionnelle, ça n'est rien d'autre dans ces mots que ce qu'on appelle l'effet de l'usage et du non-usage, donc le renforcement de certaines structures sous l'effet de des conditions extérieures ou de l'exercice ou de ces questions-là. Wilhelm Roux est un lecteur attentif de Darwin. Il a lu différentes éditions de l'Origine des espèces, et dans toute la première partie qui s'appelle l'adaptation fonctionnelle, il va avoir des considérations extrêmement subtiles. Il va évidemment parler de Lamarck et opposer Lamarck et Darwin, mais il ne va pas éviter de... Je qualifierais volontiers Wilhelm Roux de biologiste des interstices. En fait, il va très très près de... Il va au plus profond de ce qui peut relier des auteurs. Et il essaye d'explorer la nuance qu'il peut y avoir entre eux. Là, il essaye de trouver une place entre ce que pouvait raconter Lamarck sur l'apparition des formes grâce à un élan vital. Il veut absolument chasser le vitalisme des explications. Pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important. Il rend hommage à Darwin d'avoir contribué à évacuer le vitalisme des explications en biologie. Mais il veut quand même commettre une théorie de l'apparition des formes. Et comme il parle... Comme vous le voyez dans la première partie de l'hérédité des effets d'adaptation fonctionnelle, de temps en temps, il tombe dans l'hérédité des caractères acquis, qui est la croix que porte Lamarck, un peu injustement d'ailleurs, puisque Darwin la revendiquait, y compris en partie dans ses derniers écrits. Et alors, là où il y a quelque chose d'important qui se passe, je pense qui va susciter votre intérêt, c'est l'idée qu'il met en œuvre pour expliquer l'apparition de ces formes. Cette idée, c'est d'utiliser Darwin à l'intérieur des organismes. Alors, il va présenter les fondements de cette théorie. Donc, vous voyez, dans la lutte des parties, il y a un chapitre éponyme, la lutte des parties dans l'organisme. Et il va présenter les fondements de cette théorie. Et les fondements de cette théorie, c'est de faire le constat de base qu'il y a une hétérogénéité à l'intérieur d'un organisme. Et ça, c'est très fort. Tout ce qui vous a été raconté auparavant. C'est exactement le point de départ génial de Darwin, c'est de dire que les individus à la base sont variés. Et que sur la base de cette variation, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer les mécanismes d'apparition de la variation. Il y a une variation qui préexiste. Et donc, Wilhelm Roux a des mots très forts là-dessus. Il dit « Combien cela est difficile et exige de dispositions particulières de conserver l'homogénéité, même d'un phénomène relativement simple. Tout, en effet, y compris les machines de métal, se modifient perpétuellement. Rien ne demeure absolument constant. Rien n'existe isolément dans le monde, et encore moins à l'organisme. Plus le phénomène est compliqué, plus la conservation de la constance est difficile. » Ça, c'est vraiment son point de départ. Et sur la base de ce point de départ, il va imaginer que puisqu'il y a une hétérogénéité à tous les niveaux, pourquoi ne pas utiliser la dynamique darwinienne qu'il appelle la lutte, sur le mode de la lutte pour la survie, à chaque niveau de l'organisme. Et donc, il imagine, en plusieurs sections, une lutte entre les molécules, bon, molécule étant une acception complètement différente de l'acception moderne, en gros, c'est tout ce qui est subcellulaire, toutes les substances qui peuvent être subcellulaires, on n'avait quand même pas des moyens très techniquement très développés de pouvoir les observer précisément. Il imagine une lutte des cellules entre elles, une lutte des tissus entre eux, une lutte des organes entre eux. Bon, la dernière partie du livre... Je ne m'étendrai pas trop dessus parce que d'abord, on n'a pas beaucoup de temps. Elle est particulièrement fastidieuse. Il se perd dans des considérations vraiment pour le coup très datées. C'est un peu dispensable en fait. Mais ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, dans cette histoire, dans ces journées, c'est de vous présenter un peu cette partie-là. Alors voilà, on se retrouve face à conceptuellement, à cette proposition d'imaginer qu'à chaque niveau, il y a des luttes entre les structures d'un niveau donné. Donc j'ai représenté ça de manière très schématique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Wilhelm Roux ne se contente pas de jouer à la fractalité ou aux poupées gigognes et de dire tout se passe à chaque niveau selon le calque darwinien, si on ose dire. Mais il fait des différences assez précises sur ce qui peut se passer à chaque niveau. Par exemple, il voit bien qu'il se joue quelque chose d'important au niveau des cellules, qui sont des entités qui peuvent se multiplier et qui peuvent croître et se multiplier, donc qui reproduisent le plus fidèlement ce qui pourrait ressembler à une lutte entre individus biologiques. Pour ce qui est des molécules, bon, la question est un petit peu plus compliquée parce qu'il ne peut pas observer une multiplication particulière, mais il observe des variations de volume occupées à l'intérieur des cellules, donc il imagine qu'elles peuvent être en conflit et gagner l'une par rapport à l'autre. Grâce à des propriétés d'assimilation différentielle, elles peuvent gagner de la place l'une par rapport à l'autre et en faire disparaître éventuellement l'une. Pour ce qui est des organes et des tissus, évidemment, il confère à cette lutte hypothétique un rôle différent, puisqu'il n'est pas question ici d'imaginer la destruction d'un tissu par un autre ou d'un organe par un autre, mais il confère à cette lutte, cette inégalité de fonctionnement, le maintien d'un équilibre, le rôle de maintien d'un équilibre. Et pour lui, c'est très clair, en tout cas dans son bouquin de 1881, c'est très clair que tout ça est une sorte d'antichambre qui va permettre la sélection naturelle chez les individus. Donc il y a quelque chose d'épistémologiquement, je trouve, assez passionnant qui joue, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser Darwin conceptuellement pour soit le compléter, soit éventuellement diminuer un peu la puissance de son explication au niveau de la sélection entre individus, puisque pour Darwin, il faut rappeler, c'est peut-être pas inutile de rappeler que la sélection se joue entre les individus, que c'est le niveau de sélection, même si il y a des théories récentes qui complexifient un peu la question. Et donc il utilise une dynamique entre guillemets darwinienne pour servir d'antichambre à l'apparition des formes et donc permettre que certains organismes soient éventuellement sélectionnés. Donc il a cette précaution. Mais par ailleurs, il va prendre plus tard, alors ça c'est dans des textes que je n'ai pas pu consulter moi-même parce que je ne suis pas germaniste et ils sont difficilement disponibles, mais il prendra sa distance en 1902, c'est-à-dire 20 ans plus tard, avec cette idée de la complémentarité entre sa proposition et le darwinisme. Il dit en gros que ce qu'il a proposé lui serait valable même si la sélection darwinienne n'existait pas. Bon. Je ne sais pas combien de... Si je suis... 10 minutes. Il me reste 10 minutes, d'accord. Alors, il met en scène la supériorité, en tout cas la très grande importance de son explication par rapport à ce que propose Darwin, par une métaphore que j'ai peut-être le temps de vous lire. Et il vous dit... Si l'on fait découler, comme cela a été fait jusqu'à présent, toutes les bonnes caractéristiques d'un organisme uniquement de la sélection naturelle directe dans la lutte pour l'existence entre individus, cela revient au même que de vouloir faire remonter la cause de toutes les bonnes mesures d'un État en matière de gouvernement, de législation, d'administration, de science, d'art, de commerce et d'industrie, ainsi que l'efficacité des représentants de ces différents domaines à la guerre, de faire remonter tout ça à la guerre contre des voisins hostiles. Cette comparaison m'avait déjà permis il y a 2 ans de souligner, certes succinctement mais de manière intelligible, la signification de la lutte des partis. En effet, qui refuserait de comprendre que la concurrence et la compétition entre représentants d'un même domaine, ainsi que l'interaction régulatrice des différents domaines entre eux, font partie des facteurs les plus importants d'un progrès continu? Où en serions-nous si nous n'avions connu que la lutte contre les États voisins, sans la lutte entre les individus? Donc pour lui, c'est vraiment indispensable de comprendre la sélection naturelle. Il est en cela très influencé par Virchow, donc qui a été un de ses professeurs, et Virchow qui avait écrit dès 1858 des textes avec une portée métaphorique importante, où il parlait vraiment de société de cellules, de communauté de cellules, pour expliquer les organismes. Je rappelle que la théorie cellulaire, c'est la théorie qui veut que tous les organismes soient constitués de cellules et qu'en plus, toutes cellules proviennent d'une autre cellule. Donc, c'est un principe unificateur en biologie qui est vraiment extrêmement fort. Alors, c'est pas une œuvre. La lutte des partis dans l'organisme n'est pas une œuvre qui a une postérité énorme. Il a eu quand même des lecteurs. Alors oui, ça c'était juste. Non, peu importe. Il y a eu quand même des lecteurs attentifs, quelques lecteurs attentifs. Donc il y a notamment un naturaliste anglais qui a fait cette petite review assez rapidement quand le livre est sorti. Il dit je pense que son point de départ, c'est que chaque cellule qui réalise au mieux sa fonction et en conséquence la mieux nourrie au même moment se propage mieux que les autres. Aussi, pour autant que je puisse juger de manière imparfaite, c'est un des bouquins... Mince. Ah, j'ai plus de... Bon, c'est pas grave. On n'est pas de... Ça va, c'est pas trop grave, on va s'en passer. Aussi longtemps que je puisse juger de manière imparfaite, c'est un des bouquins les plus importants sur l'évolution que j'ai lu ces dernières années. Bon, ce naturaliste anglais, c'est Darwin lui-même qui a commis cette critique au début de 1882, donc très rapidement à la sortie du bouquin. En fait, il est mort quelques mois plus tard, donc on n'a pas eu le temps de voir s'il changeait d'avis. Donc on en restera à ce jugement enthousiaste. On en restera à ce jugement enthousiaste de Charles Darwin, ce qui est quand même intéressant, alors que quand même sous des aspects darwiniens, il prend quand même quelques coups à l'intérieur du livre. Il y a un autre lecteur qui a œuvré un tout petit peu indirectement à la postérité de Wilhelm Rouss, c'est Nietzsche en fait. Alors bon, là je vais m'avancer avec beaucoup de prudence parce que c'est un domaine qui m'est beaucoup moins familier. Je vais m'appuyer sur des études de Barbara Stiegler et de Wolfgang Müller-Lauter qui a étudié le rapport entre Rouss et Nietzsche. En fait, Roux est considéré par ses auteurs comme la porte d'entrée la plus importante de Nietzsche dans le domaine de la physiologie. Nietzsche avait déjà croisé les écrits de Virchow. Il avait été très sensible à la réduction d'un organisme en une multiplicité de cellules. Il avait d'ailleurs parlé lui-même, il avait dit lui-même qu'on était grâce à ça rentré dans une ère de modestie de la conscience, qui est assez intéressant. Et il a croisé, donc il était déjà sensibilisé à cette vision décentralisée de l'organisme, mais il a rencontré Roux pour deux raisons. La raison principale, c'est vraiment le projet initial de Roux rencontrait ses objectifs, c'est-à-dire d'expliquer cette fameuse apparition des formes que, selon Nietzsche aussi, le darwinisme expliquait imparfaitement, et de l'expliquer de manière mécanistique. Donc Nietzsche a des phrases assez, assez importantes là-dessus, il explique que les manières mécanistiques d'expliquer ces choses-là sont stupides, mais qu'elles sont beaucoup, en tout cas beaucoup plus cohérentes que des développements téléologiques qui permettraient de le faire. Donc il a comme ça une position un peu ambiguë, mais il penche clairement du côté du projet de Wilhelm Roux d'expliquer ainsi l'apparition des formes. Il a été décrit que les théories de Wilhelm Roux ont beaucoup contribué à fonder en physiologie le concept de volonté de puissance de Nietzsche. Le concept de volonté de puissance qui inclut notamment que l'individu soit un processus, enfin un combat vers la création du... Enfin que l'identité ce soit l'issue d'un processus, voire d'un combat. Donc là il y a, je pense, des résonances avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut bien voir que Nietzsche est un lecteur à son tour très attentif de Wilhelm Roux. Lui, il traque la téléologie dans Wilhelm Roux alors qu'il acceptait lui-même l'idée que Wilhelm Roux permettait d'en sortir d'une certaine manière. Il va aussi, lui aussi, s'en éloigner progressivement, puisqu'il va progressivement accorder de moins en moins d'importance au concept de sélection naturelle, quel que soit le niveau auquel on se place, pour garder de plus en plus le concept de lutte. Donc on peut voir une sorte de d'effacement et remplacement. Et c'est assez intéressant de voir en fait Wilhelm Roux comme un passeur entre Darwin et Nietzsche, en fait, au cours duquel va se dégrader l'importance de la sélection naturelle et va monter en puissance, si j'ose dire, le concept de lutte entre individus. Bon, Nietzsche sera aussi sensible au fait que pour Wilhelm Roux, il n'y a pas d'individu sans, il n'y a pas de vie sans excitabilité. Il faut une excitabilité initiale pour faire démarrer un processus vivant. Il fait des équivalences très strictes là-dessus. Et Nietzsche développera beaucoup cette idée-là, mais en allant plutôt du côté de la souffrance, en fait. Il utilisera cette histoire d'excitabilité plus sur le mode de la souffrance et identifiera l'individu à quelqu'un qui est capable de souffrir dans certains textes. Donc voilà, je vais rester mesuré, je ne vais pas faire semblant d'en savoir beaucoup plus sur Nietzsche, mais ça me paraissait important de vous montrer que cet auteur qui a travaillé sur l'individualité, qui l'a décomposé, a eu une influence sur Nietzsche. Si j'ai une minute peut-être, trois minutes. Je voudrais juste terminer sur une petite idée qui est justement l'histoire de la sélection multiniveau. Alors en fait, on sait, enfin depuis Darwin, que la sélection naturelle opère sur les individus. Cette vision des choses a été contestée au milieu du XXe siècle par un certain nombre d'auteurs qui envisageaient une forme de sélection de groupe. Vous savez, c'est l'histoire des lemmings qui se suicideraient. Alors bon, c'est avéré que c'était complètement faux, que c'était des films de la Disney Corporation qui avaient été complètement manipulés avec des tables circulaires, enfin qui permettaient de faire glisser des lemmings en haut d'une falaise. Enfin, bon, bref, la petite histoire est assez croquignolesque. En tout cas, il y a cette idée qui traînait que dans certaines populations, par exemple les lemmings, ils étaient capables de se suicider pour le bien-être de la population. Et donc on parlait de sélection de groupe. Cette idée a été jugée par de nombreux auteurs, notamment Dawkins, comme extrêmement périlleuse, parce qu'elle faisait rentrer une sorte de moralisme dans l'explication biologique de l'apparition et de la pérennité des structures. Elle a été contestée largement, la sélection de groupe a été contestée, notamment en disant, s'il y a une sélection de groupe, pourquoi les lions et les antilopes ne s'allieraient pas contre les crocodiles, puisqu'après tout, ils font partie du groupe des mammifères. Donc, vous voyez qu'il y avait un péril à partir sur l'idée de la sélection de groupe, ça a été contesté assez fort. Il se trouve que depuis quelques années, il y a des gens qui essayent de réfléchir quand même à cette question de manière un peu moins caricaturale et qui proposent des concepts de sélection multiniveau. Donc, c'est les travaux de Samir Okasha, notamment à l'université de Bristol, qui essayent de prendre le meilleur des deux types d'explications et qui permettent d'essayer de voir si la sélection ne pourrait pas opérer à plusieurs niveaux. Et bon, mon idée, ma petite idée qui me traite derrière la tête, c'est de se dire que peut-être dans ce que racontait Willem Roux, là il y a typiquement un cas d'étude qui s'offre sous nos yeux, mais peut-être dans des versions plutôt réactualisées comme les théories de l'ontophylogénèse, s'il n'y a pas un petit cas d'étude qui pourrait être fait sur la possibilité d'une sélection multiniveau à l'intérieur et au niveau de l'organisme. Voilà. Oui, ça s'est vu. Il y a aussi chez Nietzsche une critique de Darwin aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, notamment dans le paragraphe 389 de Gestapo, où il identifie en fait le darwinisme, un déterministe qui est un fataliste qui se trouve en contradiction avec l'idée nietzschienne de Versuch, expérimentation, tentation et risque. Mm-hmm. Non, mais alors, si mon, je suis, enfin, sans être du tout spécialiste de Nietzsche, je veux surtout pas laisser entendre que mon propos le faisait apparaître comme un partisan forcené de Darwin. Au contraire, il lui en reconnaissait certaines vertus, hein, notamment, enfin, moi j'ai trouvé des traces explicites dans les fragments posthumes, par exemple, où il paye sa dette à l'explication mécanistique que Darwin proposait. Il dit que ça c'était une sortie intéressante, mais par contre, il critique de très loin l'insuffisance, selon lui, de cette théorie, et puis évidemment elle se confronte à son idée du partir de l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose qui est antinomique avec ses idées de base, mais comme elles ont aussi fluctué, c'est un peu compliqué des fois de suivre. J'ai trouvé votre exposé très passionnant dans ces deux parties, aussi bien historique qu'informationnelle sur la biologie contemporaine. Je regrette que vous n'avez pas été aussi plus long sur la partie information. J'ai deux questions, tout simplement des questions d'information. À un moment, vous avez parlé de ce que vous appelez le chimérisme. Et si j'ai bien compris, c'est le fait que l'enfant garde pendant longtemps des cellules apocryphales. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pourriez, pourquoi est-ce qu'on parle de chimérisme? Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette idée? Et d'autre part, vous nous avez montré à un moment une diapositive censée exprimer le caractère, je crois, mosaïque de l'individu, et vous nous avez dit, ah, sur ces diapositives, ce sont des formes pathologiques. Oui. Voulez-vous en dire plus sur ces formes pathologiques et en quoi nous donnent-elles des informations supplémentaires sur l'identité de l'individu? Est-ce qu'il y a des individus qui ont une forme pathologique, une forme d'individualité ou d'individuation? D'accord. J'ai moins de réponses sur la deuxième question. Alors, sur la première, finalement, en fait, je vais associer là formellement les termes de chimérisme et de mosaïcisme. On va aller dans une première approximation, on va considérer que c'est la même chose. Quand on part de l'idée de la définition génétique de l'individu, bon, on part de l'idée que toutes les cellules de notre organisme sont issues de notre cellule œuf, issues de la multiplication de notre cellule œuf. On s'est aperçu que lors de la formation de l'embryon, il y a une communication, chez les mammifères, il y a une communication évidente qui est le cordon ombilical entre la mère et l'embryon. On s'est aperçu qu'il y avait une circulation de cellules d'origine maternelle. On s'est d'ailleurs aperçu que ça allait dans l'autre sens. Il y avait aussi des cellules embryonnaires. Ça pose des problèmes, je reviendrai après sur les problèmes que ça pose, mais il y a une circulation de cellules qui vont se nicher, et au plus précocement elles se nichent dans l'embryon, au plus elles se retrouvent dans le pool de cellules qui sont appelées à beaucoup se multiplier, et donc elles peuvent, d'une certaine manière, coloniser une certaine partie de l'individu adulte, en tout cas pendant un certain temps. On s'est aperçu que ça pose un problème de fond, parce que normalement, il y a un problème de reconnaissance du soi et du non-soi, et les cellules sont capables de... Enfin, c'est un peu métaphorique ce que je dis, mais bon, j'y vais rapidement, elles sont capables de reconnaître des cellules qui sont pas de l'individu donné. Là, la cohabitation de cellules maternelles, la persistance de cellules maternelles, ça porte atteinte à ce dogme de l'unicité du génome à l'intérieur d'un organisme. Et donc, du coup, ça a des conséquences fonctionnelles, puisqu'il suffit qu'elles soient assez nombreuses dans un organe, par exemple, pour expliquer une réaction différentielle de cet organe qu'on ne pourrait pas expliquer sur la base des gènes qu'on étudie en étudiant le génotype de l'individu donné. La dimension pathologique de ça, c'est que quand on parle de cellules qui sont de nature embryonnaire et qui peuvent persister et proliférer, on n'est jamais très loin de prolifération excessive, et ça s'appelle, d'une certaine manière, ça peut s'appeler un cancer. Et donc, des cas de chimérisme ou de mosaïcisme extrêmement... c'est rare, hein, c'est des cas... Bon, là, on est aux marges, on n'est pas dans des cas cas... En tout cas, pour autant qu'on le sache, parce qu'il y a toujours ça en biologie, on détecte les choses quand on les cherche. C'est un vrai problème. En tout cas, pour autant qu'on sache, ce sont des cas marginaux. Mais il y a des cas où un nombre trop important de cellules circulent de la mère vers l'embryon. Et ces cas-là peuvent générer une prédisposition plus élevée à certains cancers. Mais pourquoi parler de chimérisme ? Parce qu'en principe, une chimère, c'est un être qui non simplement n'existe pas, mais devra ne pas exister. Non, là, alors je ne sais pas, sur l'origine de l'utilisation de ce mot, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais la chimère est entendue comme plutôt, c'est pas comme un organisme qui n'existe pas, c'est un organisme qui est constitué d'entités qui n'existent pas dans le monde réel, c'est-à-dire une licorne, un cheval avec une corne, par exemple. C'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'elle est à la fois cheval et porteuse de corne. Oui, mais c'est ça qui fait qu'en principe, ça ne devrait pas pouvoir exister. Oui, ben oui, mais c'est le réel qui s'impose. Non, mais là, il se trouve que dans la vie, mais c'est parce qu'on a mal défini le réel tel qu'il doit exister au départ. On l'a défini comme quelque chose qui ne peut exister que quand il est constitué de manière homogène. Or, on s'aperçoit qu'en fait, le réel tolère une certaine partie d'hétérogénéité dans ce qui nous constitue, c'est-à-dire notre individualité. Voilà, c'est ça. Le mot est employé pour mélange. Ah, d'accord. Par les biologistes. Ah, oui. Ah, d'accord. Mais alors, des atridrites, c'est des chimères aussi. Oui, on peut faire du chimérisme expérimental. On peut, par exemple, ça c'est des expériences assez connues d'embryologie, les oiseaux sont un bon modèle embryologique parce que dans les œufs on peut les casser, voir assez précocement ce qui se passe. Et donc, on peut faire des mélanges caille-poulet, par exemple, dans l'embryon, injecter des cellules de caille dans un embryon de poulet, de voir leur persistance. Donc là, on parle de chimère expérimentale ou d'hybride. Oui, enfin je sais pas, c'est pas moi qui donne la parole. Si je peux juste faire un commentaire, c'est des expériences très importantes sur toutes les questions relatives à l'individu, notamment les expériences de chimère caille-poulet que vient d'évoquer Thomas, puisque ça montre que cette notion d'unicité via le programme génétique ne tient pas, puisqu'on a des cellules, là, on a des cellules de caille qu'on met dans un embryon de poulet, et elles vont, bien qu'elles aient... Théoriquement, un programme génétique de caille, elles vont se comporter comme des cellules de poulet. Apparemment, elles sont mises dans l'environnement d'un embryon. Donc c'est un autre argument. Donc en fait, les expériences de chimère spontanée qu'a évoqué Thomas, c'est un peu la même signification. Ça porte atteinte à cette idée d'une part de l'unité et ensuite du déterminisme via ce génome qui est un peu véhiculé par un... C'est un peu ça. Oui, monsieur le président. J'ai pas d'effort en mettre. Est-ce qu'il y a une vérification expérimentale de la lutte des particules ? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement les cellules les plus fonctionnelles reproduisent plus que les cellules moins fonctionnelles ? Ok, donc là. C'est juste purement théorique. Non, on va tomber le masque deux secondes. J'ai travaillé en thèse avec Jean-Charles pendant 3 ans. Donc, on a un peu testé expérimentalement ces questions. Un des éléments de réponse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est notamment un certain nombre d'organes ou de tissus, comme le cerveau ou le système immunitaire, sont maintenant connus pour fonctionner. En grande partie selon ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a une élaboration assez aléatoire. Le cerveau, qui est considéré comme la machine la plus complexe de l'univers, par sa connectivité, par sa structure, il est le produit d'une mort massive de cellules, d'une surconnectivité initiale qui se défait progressivement au cours de l'édification de l'organisme par une stabilisation sélective des synapses. Donc là, il y a un côté d'abord hasard, puis après sélection d'un certain nombre d'états, ou stabilisation d'un certain nombre d'états, on pourrait discuter, mais qui ressemble à ça. On n'est pas en mesure là de dire que tous les organes fonctionnent selon ce mode-là. Par contre, ce qui est intéressant, ça c'est des choses que, en l'occurrence, j'ai suivi d'un peu plus près, c'est de s'apercevoir que quand on regarde la manière dont les gènes sont utilisés, alors Jean-Jacques qui vous a parlé de la connectivité des protéines, mais il y a un autre niveau qu'on peut rajouter, c'est que là, quand on regarde la manière dont les gènes sont utilisés dans les cellules d'un même organe, dans les mêmes conditions, dans les niveaux d'homogénéité plus grands dans lesquels on puisse se placer, typiquement une culture cellulaire par exemple, on s'aperçoit que les cellules expriment des combinaisons de gènes beaucoup plus différentes que ce qu'on pouvait imaginer. Prenez des cellules d'un même tissu, avec le même génome, bon, à restriction que je viens de faire, sur la persistance possible de différence entre les génomes d'une cellule à l'autre. Et à cette restriction-là, vous prenez des cellules qui ont exactement la même information génétique, qui sont dans un environnement commun. Quand vous les regardez une par une, mais ça, on sait le faire depuis seulement une grosse dizaine d'années, c'est ça le développement. Avant, on a fait des hypothèses sur leur homogénéité, qui ont permis de conclure à tout ce qui était le programme génétique et tout ça. Quand on est allé les regarder une par une, on s'est aperçu qu'elles fonctionnaient de manière très très différente les unes des autres. Donc en tout cas, il y a la base d'une hétérogénéité fonctionnelle pour postuler une éventuelle stabilisation en aval. Si on ne postule pas ce mécanisme-là, il faut expliquer à quoi sert un programme génétique dans ces cas-là s'il n'est pas capable de faire faire à des cellules ce qu'elles sont censées faire tout le petit doigt sur la culture du pantalon. Est-ce que vous pouvez dire un mot de plus sur le lamarckisme, en l'occurrence de Roux, et dans quel sens il porterait quelque chose de significatif? En fait, Roux n'évite pas, mais c'est assez compliqué parce que Roux a un long développement sur la question suivante qui est: est-ce qu'on peut vraiment faire une distinction claire entre l'inné et l'acquis? Donc il brouille les pistes lui-même en fait. Il lui voit une sorte de continuum entre les deux concepts et de temps en temps il tombe dans ce qu'on pourrait appeler un excès, mais c'est toujours une commodité, enfin c'est très commode pour nous de dire ça maintenant, hein. Il n'y a pas du tout de position de surplomb de ma part, ce serait ridicule. Il dit par exemple que l'exercice fait sur les muscles sur plusieurs générations peut permettre de faire rentrer l'information du renforcement du muscle dans le développement, ce qu'il appelle le développement embryonnaire, c'est-à-dire ce qui pour lui n'est pas dû à l'environnement, mais dû aux principes de base qui sont présents à l'intérieur de la cellule et des organes. Donc il a un peu cette vision à certains moments. Néanmoins, il faut être tout à fait honnête, Darwin, faut le dire simplement, Darwin l'écrivait aussi dans son livre sur la domestication des plantes, par exemple. Il a été le promoteur de la sélection naturelle, ça a été très très important, mais il n'évacuait pas complètement l'idée qu'à côté de la sélection naturelle, il y ait des formes d'hérédité des caractères acquis, bon, ce qui est un terme moderne, on n'utilisait pas ce terme à l'époque, enfin d'hérédité des effets de l'usage et du non-usage, comme on pouvait dire. Et il a revendiqué jusqu'à très tard, puisqu'il a écrit à Nature deux ans avant sa mort pour dire qu'on ne pouvait pas l'opposer systématiquement à Lamarck, que lui aussi revendiquait une partie de cette explication dans son système explicatif. Donc il lui revient la paternité de l'explication qui fait autorité maintenant, mais il n'avait pas complètement non plus abandonné l'explication antérieure. Bon, je donne la parole moi. Alors. Parler d'un darwinisme. Oui, c'est une très bonne question. Et notamment, quelle est la nature du rapprochement qu'on peut établir entre cette forme de diversité qu'on trouve au sein même de l'individu tel qu'on l'entend et la forme d'hétérogénéité, je ne sais pas, fonctionnelle dont vous avez parlé il y a quelques instants, que vous avez mis en évidence expérimentalement. L'utilisation que Wilhelm Roux fait de lutte est problématique. C'est d'ailleurs surprenant parce qu'il est lui-même un lecteur, comme je disais, attentif de Darwin, mais il envisage la lutte comme un conflit frontal entre deux entités. C'est d'ailleurs souvent une des raisons qui font que Darwin fait peur dans ses conséquences, dans ses extrapolations. C'est pas exactement ce que disait Darwin. Darwin parlait d'accès différentiel aux ressources et disait qu'il y avait des individus qui étaient plus capables d'accéder aux ressources que d'autres. Il n'y avait pas forcément un conflit frontal entre les deux individus pour expliquer la résultante. Ah. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. Et d'ailleurs, c'est ce que va retenir Nietzsche, hein, au passage. Il va retenir que la lutte, quoi. Il ne va pas retenir... Finalement, la vision de Darwin, c'est une vision statistique des choses. C'est-à-dire, vous prenez une population, vous apercevez que... Vous regardez comment un couple de mouches est capable de se reproduire, vous calculez le nombre de descendants qu'elle peut avoir, vous faites ça sur 10 générations, vous apercevez qu'au bout de, on va dire, de 50 générations, il n'y a plus assez de biomasse sur Terre pour expliquer le nombre de mouches. Donc forcément, ça veut dire qu'à chaque génération, il y a un tri drastique qui se fait. Ça, c'est l'idée géniale de Darwin, c'est d'avoir compris ça. Il s'est inspiré de Malthus, donc qui l'écrivait dans un autre contexte, mais il s'est inspiré de Malthus pour comprendre ça. Et donc, c'est ça la dynamique de Darwin. Mais pour lui, il n'envisage pas forcément des conflits entre les cellules. C'est là où ce qu'a présenté Jean-Jacques, ce qu'on a pu montrer expérimentalement, mais on n'est pas du tout les seuls, et d'autres l'ont fait avec des moyens beaucoup plus décisifs, mais... C'est là où on n'est pas rouxien d'une certaine manière, c'est que nous ce qu'on a observé, ce qui a été observé par d'autres de manière pour le coup complètement consensuelle maintenant, c'est une hétérogénéité de fonctionnement qui fait qu'un certain nombre de cellules à un moment donné peuvent être plus adaptées à un état, l'état de disponibilité en nutriments ou que sais-je, d'un tissu que d'autres, et que donc c'est peut-être comme ça qu'elles survivent et qu'elles passent à la génération. Et qu'elles peuvent se multiplier à défaut d'une autre. Bon, ça pose la question de la stabilisation de cet état différentiel, mais là, on a aussi des arguments qui peuvent exister sur la structure génomique des cellules. Pardon.